le désespoir de Raymond. Et Raymond, lui, retrouvera-t-il Marie-Thérèse ? Encore une tombe ouverte et encore une morte. Ô mystère des dieux, mystère du temple de la mort qui ne rend que ses morts et qui, ici, garde la jeune épouse vivante. Chancelant, criant, pleurant, enfonçant les ongles dans sa chair, se déchirant, prêt à souffrir lui-même, pantelant de victime au dieu féroce à qui il faut de la chair et du sang, Raymond, titubant, tombant, se relevant, traînant derrière lui sa pioche inutile qui ne sait plus où frapper, essaye encore de comprendre, de se rendre compte. Son regard insensé fait le tour de ce temple circulaire où tous les ornements se répètent, où il est presque impossible de trouver un point de repère. Alors il ne sait plus, il va au hasard. Cela vaut peut-être mieux. Le hasard lui donnera peut-être ce que le raisonnement lui a refusé, lui livrera cette tombe où, parmi les 99 mortes, a été enfouie la vivante. Et il frappe. Mais combien lourdement maintenant ! Oh, combien lourdement ! Ah, que la pioche est lourde entre ses mains tremblantes ! Il n'en peut plus, il n'en peut plus ! Elle lui échappe. Et lui reste là, les bras ballants, les yeux hagards, regardant les yeux des mortes qui le fixent au milieu des débris de sa besogne sacrilège. Il y a combien d'heures qu'il travaille ? Les rayons obliques du soleil ont remonté le long des murs, puis ont disparu, et la lumière qui les suit s'est retirée à son tour, et l'ombre est venue, et la nuit. Sur les marches de l'hôtel où il s'est traîné, il est étendu, enveloppé par la nuit, qui jette sur son agonie des voiles aussi noirs que ceux des Mamaconas, et il ferme les yeux pour dormir ou pour mourir. Puisque Marie-Thérèse est morte,